Le comité préparatoire national indien pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pakistan 2017 est constitué le 7 à New Delhi. Dans la salle de cérémonie étaient exposés les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Y ont pris part les personnalités de plusieurs partis politiques et formations. L'orateur a souligné comme ce qui suit. 2017 marque le 105e anniversaire de la naissance du président Kim Il-sung, le 75e anniversaire de la naissance du général Kim Jong-il et le 5e anniversaire de la promotion de son Excellence M. Kim Jong-un au poste suprême du parti et de l'État de la Corée. Se disant, il a invité à animer l'atmosphère de célébration du rendez-vous par diverses activités.